Je croyais qu'avec des bombes et tout ça, ça date. Et j'ai fait des banques quand j'ai vu des traites. Je me suis allumé un pet, je me suis mis à battre. Chaque fois chez moi, il y a le Covid. Des fois, je me mets plus en charge, m'ennuie. FIFA avec la Cosaque, nous. On veut gagner les tournois. Le sang, je me sens si sale. Mais au fond, c'est bien smisale. Grosse force, passe à l'hôpital. Moi, je fume, c'est médical. Des fois, je suis un mot fidèle. La famille, ça, c'est vital. Photo, toi, tu profites d'elle. Tiens, gros chacal. Trahir c'est devenu la mode. Trahir c'est devenu la mode. Ça respecte plus les codes. Fais pas le voyou, j'ai light. Que tu me fais le show de night. J'suis dans un monde où il est, j'vis comme un autre. J'ai fait des gagueries, on m'a passé les menottes. Tout a changé maintenant, trahir c'est la mode. Tu disais que tu aimais mais tu t'es mis avec un autre. Je suis avec le J, on fait des tours. Il fait ronronner le moteur. Par le vieux pont, on fait des tours. Je reçois le snap des menteurs. Y'a les uniformes qui font des rondes. T'as pas donné l'alerte, j'ai un peu gronde. Non mais attends, stop une seconde. C'est ton frangin, tu veux lui mettre profonde. Ta perle, mais tu te casses après rapport. En ce moment tu la perds, mais tu ne sais pas encore. Misère c'est dur de plaire avec tes sous, ça veut confort. Ils ont rien à faire, donc ils demandent renfort. Je faisais le tri à la chaîne, à l'usine. Je suis sûr c'est que je te gère ma cousine. Tu fais le fier, tu dis que tu vas en résine. Sur le terrain c'est chaud, c'est le Brésil. Je suis dans un monde oui, mais je vis comme un autre. J'ai fait des skaggeries, on m'a passé les menottes. Changer maintenant, trahir c'est la mode. Tu disais que tu aimais mais tu t'es mis avec un autre. Laisse-moi la seule, laisse-moi la seule. Laisse-moi la seule, laisse-moi la seule. J'suis dans un monde oui mais j'vis comme un autre. J'ai fait des gagueries, on m'a passé les menottes. Tout a changé maintenant, trahir c'est la mode. Tu disais que tu aimais mais tu t'es mis avec un autre. Laisse-moi la seule, laisse-moi la seule, laisse-moi la seule.